Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 4. Je débute dans le métier. L'union artistique. Entre Alphonse Dumas et Déba Ponsan. Mon premier client. Je trouve un commanditaire. J'avais dit à Rops que j'aimerais être marchand de tableaux, espérant qu'il pourrait me donner un mot d'introduction pour une galerie où je m'initierais au métier. Je fais mes affaires moi-même avec les amateurs, me répondit-il, et je n'ai, pour ainsi dire, pas de relation avec les marchands. Puis, après un moment de réflexion, je peux tout de même vous aider. Et, prenant une photographie dans un tiroir, la photographie d'un Rops jeune, il me l'a remis après s'y avoir écrit « Au Georges Petit de demain » à Ambroise Vollard, signé F. Rops. Flatté, mais en même temps gêné, d'une pareille attestation dont je n'osais pas me servir, je me hasardais néanmoins à m'adresser à cette galerie Georges Petit, pour laquelle j'avais heureusement une lettre de recommandation émanant d'un banquier. Toutefois, ne voulant pas me risquer jusqu'au patron, j'avisai quelqu'un qui me parut important dans la maison et lui communiquai ma lettre. « Combien de langues étrangères parlez-vous ? » me demanda-t-il, après avoir jeté sur moi un coup d'œil investigateur. « Aucune, mais je ne suis pas exigeant, je ne demanderai rien pour commencer. » « J'en ai tant que je veux, des employés qui ne demanderaient rien et qui parlent des langues étrangères. » C'était M. Georges Petit en personne. Vers cette époque, je fus mise en relation avec M. Alphonse Dumas, un rentier qui faisait de la peinture en amateur. Dumas était l'élève de Déba Ponsan, le spécialiste des vaches dans les prés et des portraits de ministres, principalement toulousains. J'allais trouver là un emploi rétribué. Alphonse Dumas avait ouvert une galerie de tableaux. Ce n'était pas dans un but de lucre. Il voulait seulement, par les profits qu'il retirerait de la vente de la peinture des autres, rentrer dans les débours que lui occasionnerait la sienne propre. Peut-être, au fond de lui-même, nourrissait-il la légitime ambition de voir des passants s'arrêter devant une vitrine où seraient exposés des torses de femmes et des nymphes surprises signées Alphonse Dumas. Mais ne pas passer pour un marchand lui tenait particulièrement à cœur. « Vous comprenez, m'expliqua-t-il, j'appartiens à une famille d'artistes. Ce n'est pas un magasin que j'ai ouvert, c'est un salon. Je suis l'homme du monde qui sert d'intermédiaire entre le peintre et l'amateur. Déba Ponsan me réserve des toiles. Mon ami Gilou m'a promis de m'amener des membres de son cercle. » Je dirai tout de suite que ceux-ci ne furent d'aucun appui pour l'union artistique. Ces messieurs venaient, tout au plus, bavarder quelquefois de 6 à 7 en sortant de leur cercle. Un soir que Dumas avait dû, à cause de l'un d'eux, retarder d'un quart d'heure la fermeture du magasin. « Le plus clair de l'affaire, c'est que mon gaz brûle inutilement. Mais qu'est-ce que font donc tous ces gens-là ? » Et il me désignait la terrasse d'un café voisin qui regorgeait de monde. « Ils prennent l'apéritif, au lieu de penser à orner leur foyer. Ah, voyez-vous, Vollard, aujourd'hui, on vit trop dehors. » Le fait est que, pour des acheteurs, nous n'en voyons guère. Une fois pourtant, nous eûmes l'espoir d'un gros coup avec des débats ponçants. Un Américain entra. J'étais seul au magasin. Très pressé, parce qu'il était à la veille de prendre son bateau, il demanda si on pourrait lui fournir une douzaine de tableaux représentant des paysages avec des animaux. « C'est que, m'expliqua le visiteur, Je suis dans mes bureaux du matin au soir, et lorsque je rentre à la maison, je voudrais des tableaux qui me changent de tous les gens que j'ai vus dans la journée. Je pars demain soir. Montrez-moi des échantillons et je vous passerai commande. » Des bas ponçants, comme on l'a vu, s'étaient spécialisés dans les vaches. Mais il nous avait dit que, suivant le goût des clients, il peindrait tout aussi bien des chevaux, des ânes, des moutons, voire des volailles. Lorsqu'Alphonse Dumas arriva, je le mis au courant. « Vite, chez des bas ponçants, lui porter la bonne nouvelle. Les États-Unis, quel débouché !» Il voyait déjà par la pensée, voguant vers les Amériques, des bateaux chargés de des bas ponçants. Ce jour-là, par malchance, des bas ponçants n'avaient de près aucun tableau de vache. « Mais, s'écria Dumas, avisant une toile qui était contre le mur, ce magnifique taureau !» « Ah non, les dessous seuls du tableau sont peints. »« Eh bien, n'est-ce pas suffisant pour donner une idée du genre ?»« J'ai juré que je ne laisserai jamais sortir de l'atelier une toile dont les dessous seuls seraient faits. »« Dans cet état-ci, un peintre saisirait tout de suite mes procédés et me les chipperait. »« Et qui vous dit que votre amateur n'est pas un artiste déguisé ?» Nous frémîmes, du moi et moi, à cette pensée, et nous dûmes laisser l'Américain prendre son bateau sans avoir fait affaire. Nous devions être relativement dédommagés par un client, qui, le lendemain, commanda deux tableaux dont il indiquait le sujet. Il voulait deux toiles, représentant chacune un militaire. « Je ne connais pas de nom de peintre militaire, » nous dit l'amateur. Je veux seulement que ma commande soit exécutée par un hors-concours. Je tiens, en outre, à ce qu'un des deux militaires soit un zouave. L'autre, ça m'est égal, pourvu qu'il n'appartienne pas à une arme d'élite. Je vais vous expliquer. J'ai été zouave. Ah, si j'avais le temps de poser. » À la vérité, il eût fallu d'abord qu'il eût la possibilité de représenter avec vraisemblance le lointain zouave qu'il avait pu être, car, avec le ventre qui lui avait poussé et ses grosses bajoues. Quand il émit cette idée que seul le manque de temps l'empêchait de poser, une jeune dame qui l'accompagnait, une fort jolie femme, ne put dissimuler un sourire. Et je pensais que, s'il avait été zouave autrefois, il y avait de fortes chances qu'il fût maintenant cocu. Alphonse Dumas, lui, ne songeait qu'à satisfaire son client. Et si le pendant aux zouaves était un cavalier qui se fiche par terre ? « Je ne veux pas le malheur des gens, » dit le gros homme qui décidément avait bon cœur. « C'est l'arme qui doit être inférieure. » « Eh bien, » dit M. Alphonse Dumas, « si nous mettions comme pendant un lignard. C'est ça, un pousse-caillou. » Alphonse Dumas mit aussitôt en avant le nom de des bas ponçants, qui fit merveille dans le genre nouveau qu'on lui imposait. Son zouave était magnifique. Quant au fantassin, il avait l'air d'avoir fait dans sa culotte. Entre-temps, le peintre avait achevé son taureau. La toile, sitôt exposée chez nous, attira un passant en qui je flairais un quincaillier. J'avais entendu dire que les gens finissaient par prendre quelque chose du milieu où ils vivaient. Et celui-là, avec ses coudes et ses genoux pointus. Enfin, toute sa personne évoquait un vendeur de limes et de clous. Mon homme regardait le débat ponçant avec une admiration grandissante. Oh, « ce taureau puissant et ses fleurs délicates, comme l'antithèse est jolie. » Je pensais, c'est un quincaillier poète. Et quel est le titre de ce tableau ? S'enquit-il. Virilité, commençais-je à dire, et j'allais ajouter, c'est le titre choisi par le maître lui-même. Quand je m'arrêtai, tant le visage de mon interlocuteur montrait de déception. Des bas ponçants m'avaient autorisé à changer le titre de ces toiles suivant les circonstances. Je continuai donc. Tel est, du moins, le titre que pourrait imaginer un esprit insensible à la poésie, dont cette toile est si imprégnée. Alors, le tableau s'appelle ? Avril, prononçai-je avec assurance. Avril, le mois où les fleurs naissent, où la nature, sous les effluves du printemps. Le visage du quincaillier respirait le bonheur. Il pourrait donc emporter cette toile chez lui, l'introduire à son foyer, sans avoir à rougir devant une épouse peut-être insatisfaite ou scandaliser ses filles. Avril, quel admirable symbole! Monsieur, je suis professeur d'esthétique à la faculté des lettres de X. J'apprendrai à mes élèves le nom de Débat-Ponsan. Avril, évoqué dans l'esprit tant d'images par la magie d'un mot, j'achète ce tableau. Mais... Et, soudain, le visage du professeur se rembrunit. Ce bleu, au haut de l'arbre, dans les branches, on dirait des myosotis. Le myosotis, une plante parasite. Je pensais là-dessus, exactement comme mon client. J'en avais fait la remarque au peintre. On dirait des myosotis dans les branches de votre chêne. Diable, diable, avait fait l'artiste. Puis, tout naturellement, « Eh bien, quoi, c'est un rappel de ton ?» Et il ajouta avec condescendance, « C'est des affaires de peintre, ça, mon petit. » Fort de l'assurance avec laquelle le maître avait parlé, je déclarai donc au client, « Cette tache bleue, mais c'est un rappel de ton. Vous savez, ça, c'est des affaires de peintre. » « Quelle chose étonnante que l'art !» s'exclama le professeur. Un profane dirait devant ce tableau, « Comment un chêne peut-il produire des fleurs de myosotis ?»« Nous, nous disons, rappel de ton. Rappel de ton. » Et son visage s'éclaira d'un sourire malicieux. « Je collerai mon collègue de botanique avec ce myosotis-là. » Les journées s'écoulaient très calmes à l'Union artistique. À vrai dire, les débats ponçants commençaient à bouder un peu. Un jour même, un enthousiaste de la première heure, qui avait acquis une vache et son veau, tableau des mieux venus du maître, vint demander à Dumas de le reprendre. Mais nous devions avoir des jours meilleurs. Trois débats ponçants s'enlevèrent coup sur coup. Je me souviens aussi qu'un amateur vint nous acheter une toile du peintre bordelais Quinsac. Une jeune fille qui réchauffait une tourterelle sur des seins très mignons. Est-ce un cadeau convenable pour offrir à sa fiancée ? S'informa timidement ce nouveau client. Nous lui en donnâmes l'assurance. En me rendant à mon bureau, nous confia-t-il, je faisais depuis quelques jours un petit crochet pour me rincer l'œil de cette chair savoureuse. C'est agréable, n'est-ce pas, les cadeaux dont on jouit, soi aussi. Quand il eut quitté le magasin, avec une semblable conception du cadeau, dis-je à Dumas, il pourrait très bien lui venir à l'idée de donner à sa femme pour sa fête un fusil de chasse. Un ami de la famille Dumas qui se trouvait là, ne parut pas charmé de ma réflexion. J'appris plus tard que c'était aussi sa coutume de faire à sa femme des cadeaux utiles, pour lui 100 ans. C'est ainsi qu'il avait apporté à sa moitié, pour leur anniversaire de mariage, une magnifique pipe en écume de mer. Devant l'ébahissement de l'épouse, « Tu ne remarques pas ?» lui dit-il, en lui montrant la tête du vieillard à barbe blanche qui constituait le fourneau. « C'est tout à fait le portrait de ton père !» Au 10e débat ponçant que nous vendîmes, Dumas offrit aux intimes, dans son hôtel de Neuilly, une garden party à laquelle je fus convié. À la fin de la journée, comme les invités dans le jardin admiraient le soleil qui avait percé à travers les nuages, « Eh, mais, fit l'un d'eux, regardez donc, tout à fait un ciel à la Monet. »« Qu'en pense le maître ?» demanda Dumas à Débat-Ponsan, qui s'était mis à regarder le ciel. Évidemment, évidemment, mais dans un coucher de soleil, comme partout dans la nature, il y a à prendre et à laisser. » Au même moment, un coup de tonnerre. « Vous voyez bien, s'écria quelqu'un, un ciel comme ça, ce n'était pas normal. » « Moi, continua un autre, quand le ciel s'amuse à faire des monnaies, voilà le cas que j'en fais. » Et il rentra dans la maison. « Mais, fit un troisième, l'art ne doit-il pas imiter la nature ?»« Je ne connais qu'une chose, moi, rétorqua M. Desbas-Ponsan. Je suis médaille d'or. Quand votre monnaie pourra en dire autant, nous discuterons. La nature, si maintenant elle se met du côté des peintres qui peignent sans savoir dessiner, tant pis pour la nature. Corot, vous ne direz pas que c'est une mazette, celui-là. Eh bien, il a dit que l'artiste doit savoir corriger la nature. C'est la formule des anciens. Ars adit naturae. J'ai bien failli couper dans ces NDD d'impressionnistes, déclara un autre. Un jour, j'avais acheté, sans prendre garde à la signature, un tableau qui représentait un coin de l'Oise, où ma femme et moi, nous aimions aller nous promener. Quand nous aperçûmes le tableau à une vitrine, ça avait été plus fort que nous. Nous l'avons emporté tout de suite. Et voilà que quelqu'un nous dit « Comment ? Vous avez chez vous un Pissarro ?» Ah, quand j'ai su ça, je n'ai pas été long à m'en défaire. D'abord, la peinture des impressionnistes, c'est contre mes idées. Et puis, ma femme me dit que, quand on a des filles, il faut avoir un intérieur sérieux. Ces paroles avaient rendu songeur M. Dumas, qui avait 4 filles à marier. Le lendemain, il apporta à l'Union artistique un grand carton à dessin. « Il faut, me dit-il, que je vous confesse un péché de jeunesse. » J'ai connu le père Noisy tout à fait à ses débuts, quand il s'occupait surtout de livres, des romantiques dont j'étais très féru. Il était venu une fois me chercher. « Je vais vous mener chez un peintre dont on commence à parler. » Tout de suite, je fis la réflexion. Noisy connaît mes goûts. Il y a probablement là quelque chose à faire pour moi. Et voilà qu'il me mène dans un atelier où tout était d'un modernisme. Pendant que d'autres personnes causaient avec l'artiste, Noisy vient à moi. « Vous savez, j'ai dit au peintre que vous aimiez beaucoup ce qu'il faisait. » Et avant que j'aie eu le temps de placer un mot, cet animal de Noisy, s'adressant à l'artiste, « Monsieur Alphonse Dumas n'ose rien vous demander. Mais s'il pouvait emporter quelque chose de votre atelier ?» J'étais frit. Et le peintre choisit quelques dessins. Décrocha du mur une aquarelle encadrée et me remit le tout. Cette farce-là m'a coûté 10 beaux louis. Sur le moment, je ne rigolais pas, vous pouvez m'en croire. Aujourd'hui, il paraît que ça se met à prendre de la valeur. Raison de plus pour les liquider. Voilà bien 15 ans que mes 10 louis dorment là-dedans. Dumas prit le carton qu'il avait posé à terre et en retira plusieurs œuvres de Manet. L'aquarelle de l'Olympia. Le dessin original de la lithographie « Le chat noir et le chat blanc ». Un état de la litho en couleur du Polichinelle. Plusieurs sanguines admirables. Enfin, une 12aine de croquis de chat. « Je crois que c'est tout, » dit Dumas. Mais, secouant le carton, il en fit tomber encore une délicieuse étude de femme, peinte sur parchemin. Ce que mon entourage m'aurait blagué si on avait vu ça. Mais je compte sur vous pour m'en débarrasser. Et surtout, rien n'en montre, n'est-ce pas? Vous comprenez, si Desbas-Ponsan allait tomber ici à l'improviste et se voir exposé à côté d'un Manet. Il faut croire que les belles œuvres portent en elles une vertu mystérieuse. Encore que, suivant les instructions du patron, je ne montrasse les Manets que d'une façon discrète. Au bout de quelques jours, tout était vendu. Dumas n'en revenait pas. Toutefois, une chose le chiffonnait. L'amateur, qui avait acheté le chat noir et le chat blanc, avait exigé qu'on lui prît un sisley. « Moi qui m'étais juré, dit Dumas, de ne plus jamais avoir un impressionniste ici, Vous trouverez bien le moyen de refiler ce sisselet à un client de passage. Enfin, faites pour le mieux. Et plus que jamais, la vente à l'intérieur, hein. N'effrayons pas la clientèle. » De fait, le magasin commençait à être achalandé. La veille, nous avions écoulé 2 tableaux de fleurs de Jeannin. Et si nous n'avions pas été dépourvus de tableaux de fruits, il y aurait eu, presque à coup sûr, une 3e toile de vendue. En outre, un de nos bons clients était en pourparlers pour une commande d'un portrait de Quinsac et une étude de mouton de Desbas-Ponsan. Un après-midi qu'il se disposait à sortir, Dumas m'avait dit « Je reviens dans 2 heures, j'ai un rendez-vous au cercle. » Certain de ma liberté de mouvement pendant ce temps-là, j'enlevai le Desbas-Ponsan qui était en vitrine et je mis à la place le sisselet. 5 minutes plus tard, il était vendu. Ce n'était pas que les impressionnistes fussent tellement en honneur en 1892, mais cela arriva comme ça. Les premiers mots de Dumas en rentrant furent « Ce sisselet, décidément !»« Écoutez, Volard, il faut que vous retourniez chez l'amateur qui nous a collé ça. Vous lui demanderez de reprendre son tableau pour un petit prix. »« Mais je l'ai vendu. »« Pas possible. À quelqu'un que nous connaissons ?» Non, à un inconnu. Il doit revenir voir à l'occasion s'il n'y a pas autre chose du même genre. Vous lui avez bien dit que la maison ne tenait pas ce genre de peinture et que, sans un hasard... Je commençais à ne pas trouver drôle la vie dans un pareil milieu. Et un jour où, inoccupé, je me penchais sur la barre d'appui de la fenêtre de l'entresol, voilà que la barre cède et j'allais être précipité dans le vide lorsque je me sentis retenu comme par une main. C'était un morceau de métal qui était fiché dans le mur. Quelques instants plus tard, un ouvrier serrurier se présenta. « Je viens pour desceller une patte de fer à la fenêtre de l'entresol. Je devais déjà venir hier, mais mon petit garçon s'est cassé la jambe. » « Eh bien, lui dis-je, c'est une rude veine pour moi que votre petit garçon se soit cassé la jambe. » Et je lui racontai mon aventure. L'homme parut furieux. À n'en pas douter, il me regardait comme un sale profiteur. Aucun mal, par contre, ne devait arriver à une jeune fille qui, sans qu'elle le sût jamais, me préserva elle aussi d'un danger mortel. Il est vrai qu'à ma place, un inconnu allait être mis très mal en point. Mais je puis dire que ce fut la punition de sa curiosité. Ce jour-là, j'étais sur l'impérial de l'omnibus Pigalle à Louvain, attendant le départ, lorsque j'aperçus sur le trottoir une ravissante jeune fille, le prototype des héroïnes de J.H. Rosnienne. Cette jeune fille ignore peut-être qu'elle est délicieuse. Et, me levant, je me disposais à descendre de la voiture. « Pardon, monsieur, fit un voyageur que je frôlais. Je prends souvent comme vous l'omnibus à la tête de ligne. Voulez-vous me permettre de vous demander quel avantage représente la place que vous occupez toujours à la droite du cocher ?»« Un très grand avantage, fis-je. Mais excusez-moi, je suis très pressé ce matin. Je vous dirai cela une autre fois, puisque nous sommes de revue. » Je n'avais pas, en effet, le temps de lui expliquer que j'étais gaucher et qu'à cette place, je pouvais appuyer le bras gauche contre le siège du cocher. Sans attendre davantage, mon interlocuteur, se levant, alla prendre la place que je quittais. Et l'omnibus partit, l'emportant vers sa destinée. Quant à moi, j'avais abordé la jeune fille. Je constatai tout d'abord avec plaisir que j'avais affaire à une personne très comme il faut, car elle ne me dit pas qu'elle était sérieuse, comme le font généralement les jeunes promeneuses qui se laissent accoster dans la rue. Au bout d'un instant, comme un tramway arrivait, la jeune fille me dit qu'elle devait me quitter. Lui ayant demandé si je pourrais la revoir, « Ce n'est plus possible, me dit-elle, « Mon fiancé arrive demain de Stockholm. mais il sera sûrement très content de voir que pendant mon absence, j'ai fait des progrès dans la connaissance du français, grâce à tous les messieurs gentils que j'ai rencontrés. » Et voilà pour la jeune fille qui ne sut jamais qu'elle venait de me sauver la vie. En effet, le lendemain, reprenant mon omnibus conduit par le même cocher, celui-ci me raconta que la veille, un peu après que j'étais descendue, et au moment où il passait près d'une maison en démolition, une brique s'était détachée et avait atteint à la tête le voyageur qui avait pris ma place près de lui. J'avais remarqué l'air soucieux du directeur de l'Union artistique pendant que je lui racontais ce qui m'était arrivé. « Je suis très indécis, » me confia-t-il après un silence. « J'ai 300 000 francs à employer. On me propose deux affaires également intéressantes et entre lesquelles je me débats comme cet âne qui... Enfin, vous vous rappelez l'histoire des deux picotins d'avoine. Si j'étais à votre place, je sais bien ce que je ferais. J'emploierais mes 300 000 francs à acheter des Renoir, des Cézanne, des Degas, enfin tous les grands impressionnistes. » Le lendemain, Dumas m'arriva avec un drôle d'air. Ma femme, à qui j'ai rapporté notre conversation, n'en a pas dormi. « Ton volard me fait peur. Je sais que tu es un homme sérieux, incapable de dilapider le pain de tes enfants. Cependant, de savoir à côté de toi quelqu'un qui a des idées pareilles, je ne vivrai plus tranquille. Sans compter que, pour peu qu'il dise des énormités comme celle-là devant les clients, tu vois le mauvais renom qui s'attachera à ton union artistique. » Écoutez, volard, continua Dumas, vous allez me promettre que jamais plus le mot d'impressionnisme ne sortira de votre bouche, ni ici, ni dehors. De plus en plus, l'existence que je menais dans ce milieu me pesait. Je déclarai à Dumas que j'étais décidé à le quitter. Vous abandonneriez votre situation ? Je n'ignorais pas qu'une place de 125 francs par mois ne se trouvait pas, comme on dit vulgairement, sous le pas d'un cheval. Mais l'atmosphère que l'on respirait à l'union artistique me devenait chaque jour plus pesante. Quand Dumas vit qu'il allait être débarrassé de moi, sans que cela fût de son fait, « ce que ma femme va être contente », laissa-t-il échapper. Mais tout de suite, je lui vis un pli au front. « Écoutez, mon cher volard, nous nous quittons bons amis, n'est-ce pas ? Quand vous parlerez d'impressionnisme, je compte sur votre loyauté pour dire que je déteste ça. » Non seulement je prends l'engagement de le dire, mais si l'occasion s'en présente, je l'écrirai. Je tiens ma parole. On m'a souvent interrogé sur mes débuts dans le métier. Ils remontent à une époque où j'en étais réduit à faire mon ordinaire de biscuit de mer, lequel avait sur le pain l'avantage de coûter moins cher. Cependant, mes dernières ressources allaient être épuisées, et je dus chercher à faire argent des quelques dessins et gravures dont je m'étais constitué une petite collection sur mes économies d'étudiant. J'avais entendu dire qu'un marchand de vin de Bercy se laissait aller à acheter des dessins modernes. Je demeurais dans le bas de l'avenue de Saint-Ouen. La distance ne m'effrayait pas, je fis par économie le chemin à pied. J'emportais un dessin de Forain. « Combien votre dessin ?» me demanda mon amateur. « 120 francs. Je vous en offre 100. » Et il sortit un billet de son portefeuille. 100 francs, c'était bien tentant. Néanmoins, je ne cédais pas. J'avais été très frappé, quelque temps auparavant, par la tactique d'un confrère à qui on marchandait devant moi un dessin de Rops. « Combien votre Rops ? 40 francs. »« Ah non, 30 si vous voulez. »« Comment ? Vous marchandez ? Eh bien, c'est 50 francs. » Et l'amateur avait donné les 50 francs. À mon tour, je risquais le coup. « Vous marchandez mon Forain ? » dis-je à mon client. « Eh bien, ce n'est plus 120 francs. J'en veux 150. » « Dites donc, vous en avez une santé, » me dit l'amateur. « C'est bon, je le prends. » Une fois les 150 francs en poche, je me dis que, pour fêter cette réussite, j'allais me payer le théâtre et un petit souper dans un grand restaurant. C'est au Châtelet, à une représentation de Michel Strogoff, que je me décidai à aller. Quelle soirée je passais là! J'avais, tout en haut, une excellente place pour 1,50 francs. À côté de moi, une famille composée du père, de la mère et d'un enfant d'une dizaine d'années. Celui-ci semblait passionnément intéressé par toutes les péripéties de la pièce. Quand se déroula la fête de l'émir, au moment où le bourreau promène devant les yeux de Michel Strogoff un sabre chauffé à blanc, l'enfant ne put se contenir. Quand l'autre l'a battu au commencement, s'il l'avait tué d'un bon coup de pistolet, ça ne lui serait pas arrivé. Mais, gros bête, repartit le père, si l'autre avait été tué tout de suite, tout aurait été fini du coup. Tu n'aurais pas vu la magnifique fête de l'émir. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Fit l'enfant. Et l'on sentait bien que ce « et maintenant » signifiait que le gosse accepterait bien volontiers que l'on brûlât quelques autres yeux si cela devait ajouter à de si extraordinaires aventures. En sortant du Châtelet, je me dirigeai vers le restaurant Weber, où, pour la somme de 2,50 francs, on pouvait avoir, en ces temps heureux, une assiette de jambon d'York, une pinte de bière noire, le pain à discrétion et un copieux morceau de fromage. Une fois assis à ma table, parmi toutes ces lumières, ces élégantes en robe de soirée, ces garçons empressés installant à une table voisine deux jeunes couples que j'entendais saluer « Bonjour, Régnier. Bonjour, Mindron. » Il me sembla que je participais à la grande vie, rêvant d'entendre aussi dire autour de moi « Bonjour, Volard. » Et, tout en dégustant ma pinte de stout, je me promettais bien qu'à chaque bonne affaire, je me paierais le théâtre et Weber. Mais, une fois rentré chez moi, tout de même, pensais-je, cela me fait 4 francs de moins. J'étais donc entré dans les affaires. Tout ce qui composait alors mon fonds ne m'avait guère coûté plus de 500 francs. Si je pus tenir le coup, ce fut grâce à un banquier. C'était un bien brave homme. Il me prêtait de chétives sommes à environ 100 %. Il opérait sur n'importe quoi. Mon stock consistait à peu près exclusivement en dessins et gravures dont les prix paraîtraient invraisemblables aujourd'hui, comme ce monotype de Degas que j'avais eu pour 10 francs, ou ces superbes Guy qu'on pouvait acheter sur les quais à partir de 2 francs. Et ainsi du reste. Puisqu'on trouvait des merveilles à si bas prix, ce n'était donc pas en vendant à des marchands que je pouvais espérer faire de fructueuses affaires. Il était indispensable que j'atteignisse directement l'amateur. Un jour, un confrère me parla d'un de ses clients qui recherchait les forains, les Willettes, les Rops, les Steinlen, enfin, ce qui passait alors pour l'art avancé. « Je sais que vous en avez, » me dit-il. Je répondis évasivement. Et je pensais, si j'arrivais à connaître le nom de l'amateur en question. Je devais y arriver, et ce qu'il y a de plus fort, grâce à ce même marchand. Il m'avait dit un jour, « Moi, quand quelqu'un me parle d'une affaire en termes ambigus, je lui répète un peu plus tard, mot pour mot, tout ce qu'il m'a raconté. Et il est bien rare qu'il ne laisse échapper une parole qui me mette sur la piste. » J'usai, à son égard, de son propre subterfuge. Le revoyant, à quelque temps de là, « J'ai un client, lui dis-je, qui achète des forains, des Rops, des Steinlein, enfin l'école moderne. Ah, je vois qui c'est, votre client. » fit-il. « On sait que vous êtes de première force, mais votre homme, c'est M. Maurice I. Eh bien, là, vrai, vous m'épatez. » J'avais le nom, mais l'adresse. Je continuai. « Je dois justement écrire à M. Maurice I. Vous n'avez rien à lui faire dire ? Ma foi, non. » Sur du papier, qu'il me fournit obligeamment, j'informai donc M. Maurice I. que j'avais des forains, des ropes, etc. Quand j'eus écrit le nom sur l'enveloppe, « Oh, diable, j'ai oublié l'adresse !»« Comment, vous n'avez pas toutes vos adresses en tête ?» Et, me prenant la lettre des mains, il y inscrivit le nom de la rue et le numéro. Le surlendemain, j'entendis frapper à ma porte. C'était M. Maurice I. Je lui étalai ma collection. Il me quitta en emportant pour 1000 francs de marchandises. La semaine suivante, passant devant la boutique d'un marchand, quelle ne fut pas ma surprise d'y voir en montre une des pièces que j'avais cédées à M. Maurice I. J'entrai dans le magasin, où on me présenta tout le lot qu'il m'avait acheté. « C'est, me dit le vendeur, de la marchandise qui n'a pas traîné partout. Ça nous a été apporté par un courtier homme du monde. Ceux qui ont quelque chose à vendre croient toujours faire une meilleure affaire en traitant avec un particulier. En définitive, on m'avait eu. »